te toyoka sena tsango batunge na yo imeble omoto ndima malubo mboka mera ninti mambo te na londo tonton Jacques mera rieti radio panique yoka disque kitoko itango te kende yo bala yo bala mama. Dizendo que se dá. Tamboteto, eu cansei na tango. Batunguela, eu imeble. O moto ondima. E tambote, quente, eu bala. Eu bala, vama. E tamboteto, eu cansei na tango. Batunguela, eu imeble. O moto ondima. Loris la Congolese, FBI. PDG MVP. Batimole sur le dominator. Olé, olé, olé, mi amore. Olé, olé, olé, mi amore. Kala sangi yo lokola tolinga na kate. Na kati ya bolingo, esengeli boyokani. Kana lona kiela ngana ngana tango ya bokofe. Ekomi na tango rekolte, ekomi ya banfama. Olé, olé, olé, mi amore. Olé, olé, olé, mi amore. Richard Luanga, Arsène Lukusa, Maître Robot, Wapi Maître Tozo. Ngaina benga kiyo, me oyo kakite. Christine Bayo, reviens mon amour. Na koma solo mozi, na katia kini mawa mawa. Se po bolingo ajato makasa kasa. Bolingo e bolingo, heza pona mosolo te. Pendo dinganga mapa banga, dioziana. King Kester Emenea, se bato folo yi. Mazam Tomo, bienvenue Bongolo. Viens mon gars, Naleli. On l'imona yo, et ça les barbecues la montée manana. Johnny Lekanati. Roi Babel, 7ème ciel. Comme Mela yo, fleur et roseau de Paris. Kobo son abate, atricha tipo tipo na yo. Waina bona kiyo. Nakatamote mananga Waka Nala yeba kie pa yo senga Yapo zonge langai Adido senga Pao sali nga boye Nabandi se kole langai moko Mawana gana nanie Tanga nalelie Tipo tipo te chama Poke vose nuker Mi akaza te pertence To marido te chora Tipo tipo te chama Poke vose nuker Mi akaza te pertence To marido te chora Volé, volé, volé, mi amore. Volé, volé, volé, bienvenue mon tentoura. Nana sangi yo lokola tolinga na kate. Na kati ya bolingo. Photo papi flash. Esengeli boyokani. Nana lona kiela ngana ngana tango ya bobo fred. Jean-Jacques Diando. Ekomi na tango ya mekote. Ekomi ya banfama. Volé, volé, volé, mi amore. Olé, olé, olé, mi amore. Ange koye benoite. Gadi di ka awa di chanda ka gadi kanya. Brugutu brugutu buka bushi. Buka bushi ka bumbu kanya. Chope chope, seya. Danse, bouge bouge, seya. Tourne, sote sote, seya. Seya, seya. Mama Junior. Japonais, tu kenayoti. Chikudangila. Mama Juni Wano, la princesse de la paix. Oyo Adusha Tipo Tipo, l'homme de Zanzibar, ouais, la son des rois de la forêt. Et le Seigneur Oshiro Tabouley, les monuments vivants. Ya Wolf Kimasa, ya mona affaire ngoya ngote, makakuna kata ndako chaku. PDG mave mavanga papa na Roland, mon valinga na kolula, na vanda na yeza yo. Henri Kadisha mon directeur. Sorti dine ya mave, le loyo kombo, osali sabasi mi bali, bandi mayote boni. Jules Kagrave, mon commandant team. PDG mave mavanga, papa na Roland, mon valinga na kolula, na vana na ye, zali kaka yo papa. Yamele, melefa. Chante dine ya mave, le loyon kombo, on sali sabasi mi bani, bandi mayote boni. Giki mvula. Eh ngambe mobali yo mave papa, nzela ya mino bauni, mobali ya mari mo bien. Siblen toko, sumbiri tekiri na 13e rue. Eh ngambe mobali yo mave papa, nzela ya mino bauni, mobali ya mari mo bien. Mon commandant, bitu mokoko. PDG mak mavanga, osu kisinga. O komisinga, ibo mante foli. Bote antoto ya moto, loko no yo voya yo. O kimisinga, andako ya mama. Papi Manzomba, yebisa bango kuna na pari. PDG mama fanga yo pesinga y foli damu. Bote na yo merite batongela, yo monima. Statue à liberté Africa, et zande bote na yo. Non, lele. Leile, Oloba kiyo kozonga, oke la moka peke, Ngawa yo marimobya, naza konela yo. Jean-Luc Moukoko, l'homme le plus puissant du monde. Oloba kiyo kozonga, oke la moka peke, Ngawa yo marimobya, naza konela yo. Aimé Bacheka. Nalela Jaco Sayala. Mave business. Wasanga Mereneli. Mave business. Mama Rita Lokilo. Mave business. Nalela Japonais. Mave business. Tomakula Moleso. Mave business. Tous International Bakobenga. Mave business. Tete Sayala na Bruxelles. Mave business. Ami Dorcas, bisous. Mave business. Mama Mabila Elali. Mave business. Patrick Bochindo, les grands combattants de l'Ukraine. Mave business. Madou Kibambe, ingénieur. Mave business. Jonas Sembe, c'est ma. Mave business. La la la la la la la la la la. La console. Godet le fond, mon mal est Charlène. Tabandi Marayote, du bisou de Citon Lumière. Jaco Production, les grands messieurs de Belgique. Tokuta Nanastor, bisou na bisou. Le PDG Michel Ladino Yalai, plume d'or, le palmarès. Moki le bandara na Zamba. Ocha te mepo na nom. Wasenga Kipoum. Papi Kambeva. Un apoto, Otto Joël Beteng, Jean-Jacques Bois à Montréal, Lobina Malembe, Igel Velel, Pacho Panda, Relax, Relax, Didier Sayal à Sumbo, Florine Sala à la Suisse, Oben Anayona et Sayel au Fambote, Obali à Bienvenue Nzoko. Pati moleso mikunde, ah mikunde, pati moleso mikunde. Gramon, oban di mana kita sah de masih nama luka, kui ba gozana kat gozana kat mizin. Wah, oye mana veta boleh lengye, Vanessa lui bénédiction artiste. C'est vrai. On va dire Roger Mayemba. La Mosika, la Bourse Mogrosso, chef d'entreprise. Paris Abissoe, Belgique contre le Vatican Suisse qui toque. Ma fille à moi va se voir une fois par jour. Allemagne, l'Albanie, Mère Véro, va bisous. Papa Mariko Daniel, mon père. Oh, le grand prêtre de Fendant du Diamant Vert, la pièce rare et la pièce unique. Son Excellence, Papa Denis Sassou Nguesso, l'homme du pouvoir et l'homme de paix. Pati Moleso, Pati Moleso, le gaucher le plus suspect. Bete yango mon ami, bete yango Pati. Donc on est sa grand maître Franco. Mon premier, le révérend pasteur Coutinho Fernando, Yomo Sali Nzambe. Yebisa Bango qui apocalypse et Zoya Mabe, Mabongo la mité Mao. Frère Titch, Kabali Loba. Tantine Mundele Elise, ma grande sœur. Baye Bake Zambe Kotin Koye. Mboloko Lukan Zela, ma on a bapuka mike pour mitambo za partout. Affaire yango yango yoti. Et bapuka mike va matelini à mobangé na mokongo. Qui bango que bango zala distrait, la commune ra keza bango. Zokande, où est allé Apocalypse? Tonton Jack, la canal Kin. Mary Lumumba, Monsieur Café, Lumumba. Sonanga tata sangwa pamba nanu na yokate nakona biso ezala kina abondance pase koti zompo yoponi ambiance yokomi kosana tiba de kushema yokomi kosanga yoke imission de service. En Londres, bombo tuna ni clock terrestre. Soka yokota libala, pendo dinganga ee. Bole tuna ni Mercure Rouge. Soka yokota libala, pendo dinganga ee. Desi makangila, makulera kitoko. Na pobele la yo, yo, yo. Pendo ee, dinganga zonga. Karma Sakuba Yo moto ya masua lele lele yo katisinga Bi baby kone kotola na ngambo ya kisuka eh. Wapi sovetaj pendo wanga Yaya Londa patinanga le grand Kuya Iza yo Yajo fifi landu eh. Makutile yo yo we yo yo we Iyo papa Sabebeli moto mora shidi kupae Makutile yoyowe, yoyowe, iyo papa Mawadaka mokongo, tiyo sianae Degas kusungana na figuru Makutile yoyowe, yoyowe, iyo papa Sabebeli moto mora shidi kupae Makutile yoyowe, yoyowe, iyo papa Bwabana frigo mboyo kamelope Apasi yoyo Kanga natika lili kumbenga mokona nako nako lila mobali Kouti Bosse. Ma kouti le yo yo we, yo yo we, ki yo papa. Sa me peli moto, mo rachidi poupa e. Ma kouti le yo yo we, yo yo we, ki yo papa. Ma wana nga moko, mo ti yo zyana e. Nanani nani nanana, nanani nani nanana. Mise miserare. Ben Kanzo. Kati saya la soki yoko yoka e. Losa mo popa se yo na banana nga. Na lela na tina tjenye banana nga. Ma kouti le yo yo we, yo yo we, ki yo papa. Sa me peli moto, mo rachidi poupa e. Ma kouti le yo yo we, yo yo we, ki yo papa. Ma wana nga moko, mo ki yo zyana e. Mo kumba ya boutique shangene. Tikelina ni César Nkumu Tonga toboko lo banana biso Na mawara pendo dinganga e Atiti akolela pendo dinganga Mbaninga bayo mbalele Ma kutilele yowe, yowe, yowe, papa Je donne ya ngumba Sa pepeli moto, ngorashidi kumpa e Ma kutile yoyowe, yoyowe, yowe, papa Ma wananga moko, ngotiyo ziana e Manda Chebo Chamalu, Jina Telecom Makutile yoyowe, yoyowe, kiyo papa Sange peli moto, mora shidi kupa e Mokili ya salama na liloba, chika joloba Oye zali apokalipse, revelation si revelation N'est-ce pas John Misitu, Mireille Gentil na yo ekomisa yo yuma wana basepeli kambalanda te nyonso bakoloba fote na yo te mama bota yo felicite. Oh, bienveni kamba tipango nzenga mbokosi ya kartie jeno malue bakoloba mama o kamba baloba loba mama o lelo batika fana bateka yo lokola bateka kamasia babaka yo kukuse lokola babaka kaye tosukoli maboko lokola ponso biletu asukolaka kamba babimisa yo na kati ya lokola Moise otikela bango Egipito basepela bamonaka kaka ndenge yo ozalaka kamba. Bienveni kamba tipango bonzenga mbokosi ya kartie jeno malue bakoloba pambao kamba balobaloba pambao lero batikala fana yaka bifolo na kati ya salon Gabriel, le super salon du moment, l'Eden Matumba. Salon Gabriel, Alena Tito, Micho Iali, Kofi Papa na Divine Ciseaux d'Or. Na yebisaka bango ke mbula na mbula ezaka na makambo nango kwa aya oyo Apocalypse. Mère Jackie Meridio, na rompo echa mukwale. Banyama mabosa na ikolia matiti kwa. Bameki kolembula moto ya nkoi, mesuka nango babima sebe. Réponse na bango est en Apocalypse. Ya José Mpaka Ikombe Oyo kakape oko makae Oh vieux Zenantu. La force tranquille et la force d'attraction quoi. Bana la poupette Ambote mingi na paria John Misitu. Tonton Feye, Pati Moleso, le grand jazzman à niveau ya ma grand prêtre Mikile quoi. Yo qui sa bango faire en audi. Kalemba, la kata Paris. Mouyibo Bwena Raga, l'homme qui m'a façonné quoi. Ya Mozart Kouyangouluka, la kata Palmarès. Expliquez par moi que c'est Apocalypse. Aziza Yena Bijou. Sensei Blaise Moleso, Petit Nanga Botelo, Guillaume Amboyi. Lui on est ma, lui on est ma Nayoki Malobito, Malobito. Concernant notre amour, parce qu'on ne sait pas de quoi songeons-nous. On a trop parlé, on a négé, pas mon aka. Bolamo salakanga ipendenge na kumisaka yo. Si tu ndenge, bayo kaka na kumisaka yo. Lui on aima, vraiment yon engana kobalao. Jean Coco Dumbalize, c'est mon choix. Il m'a plu, j'ai lui demandé, il a porté. Le grand tablier Yabana Schengen, Antonio Mokozi na Paris. Lui on est mananga, yozali bogare. Person États-Unis, yaya no bananchako. Lui on est mananga, simba bolingo boyo. Tosa mosika na soto na molimo. Tosangani, tokutana, atana bandoto topesana. Banu fera bien. Lui on est mananga. Dans tout ça, il y a aussi des vieux loups. Maman Tunualo, on aime. La force tranquille, la véritable américaine. Rien n'est possible dans l'amour. Tout est possible. Ça, c'est vraiment l'intimité. Pourquoi je t'aime? Je suis fidèle comme tu l'es. Rien n'est possible dans l'amour. Tout est possible. Ça c'est vraiment l'intimité. Papa je t'aime. Je suis fidèle comme tu l'es. C'est ça bon niveau. N'écoutez pas tout ce qu'il disait. C'est son détré. Oui on est mananga. Papa. Et ça bon lingo y'a seko. Et où me l'angé. Kosa la sonité. Oui on est mananga. Cette voix mélancolique, Diens Makambo, grand chanteur des charmes. Oti Kangate, Nase, Yonza la peine, Nanga, Oto Kokabiso, Babale, Nasuka, Molongo, Lokola, Banyama, Bakota, Kanama, Souraya, Noé, Babale, Babale, Ré. Cher des poules, Pima Kanga, Nanzoto, Tangona, Koyo, Kaka, Bongongo, Nayo, Kobelela. Tipo tipo, ninye koki koka pola bolingo yanga ina weranson, seliwara. Riti chobolongo, Patrick Ebochindo, José Misitu, yonde motema nanga. Oh, oh, oh, nema, rien n'est possible dans l'amour. Tout est possible. Ça c'est vraiment l'intimité. Papa je t'aime. Mukoko, Roma, Kumuna Kingasani, Zabolingo, Yaseko, Eumela, Eme Bacheka, Chiquito Mafia, Pione Mananga. Chaque production, Yoka Kole la vie qui donne, McDonald's Congo. Allez, les coins, Zoko, ambassadeur itinérant. I don't even know. terrasse Annette. Oui, tout balou, bani, bana, loulou, wakato, chadi, kouni, mato. Mwanti, ni baka, ni chabalota, tolonda, mojito. Wata, tu kanse, boni, mokatela, tolonda, denchelo. Nebi, kalabi, fe, tchako, et tout. Batu, bon, soba, tchako, la. Hey, loko, mikile, loko, mikila. Loko, mikila, ipo, anye. Chiku, dangila, wamukoji, wasio. Le président Tchami Dollar. Tipo, et le monde amanda chante Blanchard, Mike Kalala, Oujou Mfo. Bonini mokili sale ma bongo, sale ma bongo. Galusina mokili sale ma bongo, sale ma bongo. Moninga bali bolingi popanza ibala na ye. Azimo sala, Bolandi en accompagne, Boko Seliye Makambo et Paya Patron Aye. Boko Seliye Makambo et Paya Patron. Patron. Boko Seliye Makambo et Paya Patron. Boko Seliye Makambo et Paya Patron. Boko Seliye Makambo et Paya Patron. Tango Bozwa Kito Beta Kima Boko. Isa Bozwi Namo Kili Kaka Moussala. Isa Bozwi Namo Kili Kaka Moussala. Isa Bozwi Namo Kili Kaka Moussala. Isa Bozwi Namo Kili Kaka Moussala. Isa Bozwi Namo Kili Kaka Moussala. Toute autorité vient de Dieu. Et toi la nano kojere fina yo. Zikabi loba loba na kombo nanga. Oko vima mbe bolo kona haraboute. Zikabi loba loba na kombo nanga. Oko vima mbe bolo kona haraboute. Zikabi loba loba na kombo nanga. Oko vima mbe bolo kona haraboute. Boni ni mokile sale ma bongo. Isale ma bongo. Jalousie na mokile sale ma bongo. Isale ma bongo. Pati moleso asale ma bongo. Asale ma bongo. Nenganti asale ma bongo. Asale ma bongo. Tipo tipo asale ma bongo. Asale ma bongo. Tone misitu asale ma bongo. Asale ma bongo. Kaska songo nakata comptoir piscine oyo kamelope. Kaba Hollandais Malboro Malbotch, garçon Bochet. Kangou, Jobis, Oumani Armé. Terrasse ne dit à personne, la Oshue, Monique Kouakou. Le prince, les boss, les mani ilunga. Uchiwa kananga kuloku from Uganda, muntu kwamida kuloku from Uganda. Uchiwa kananga kuloku from Uganda, muntu kwamida kuloku from Uganda. Banu banu mona kapena bunjani, na chama bepi bega bena banana. Banu banu mona kapena bunjani, na chama bepi bega bena banana. Nasha mupesha bena bajana, nasha mupesha bena bajana, nasha mupesha. service, toujours na top pour la frette. Kinshasa Luanda, Harry Kamboma, les Graboa, Mbouye Bouye, Évangile Amoué Bande Panayo, Naraga. Service et pas agent na Kingasani. Nasha Jean Sambiso Naibi Sakabango Abeta Kambata na Mirte. Je vais jurer à solo Nicolo na César Linde Bike la Mouna yo yo Kalelo Pekole la Nanga. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Biolinga kana yonga ite otika kosala sambla contre succès c'est fini sablengo et bankolo na botama motema ya maoba pimelanga isolo moteme bende yango vraiment bo profita ka koloba mabenanga na bato. Zalaka kopesa toli yo lingaka na yo sevia moyu lelo kanginga ndoki ya vina yo sois conscient tanda chebo chamalu le vieux loup RTNC na pasi pebi sengo na mesana kobenga yo associé to confident nanga kote mosusu preparaka kosala loposo nanga mbonda ya bichou mbi evanga lengemi oyo likambo kamwa minanga nyoso bakoma ba vrai ami na yo okomi kotinda baleka quartier bafinganga pe bamankenga respect misto yo makambo alingi kakanga na kufa na via pasi alinga te koyokanga na sombisi misi atomboki juré na linginga na yeba kufa ya moto sukeza la kambala mibande na kosa kukufa na zekwa na yeba banani balinga kanga yalo lo shwami mboko yo makambo malingika kanga na kufa na via pasi nininga na sala mokile ininga koina le vieux gaulois sao machula. Bisengo nanga yo bongoli mawa kaina poma bele suka suka telenga nana mopepe ukozwa pe elokote jova bate la kanga sekla Zakari baba basu na mputu mboko yo makambo balingi kakanga na kufa na via pasi nininga na sala mokile ininga koina. Mon commandant Carl Lewis. Mama Bila, mama. Ya Mozaru, ya Muluka. Palmarès. Webi Kia, je sais pas qu'il combat. Il s'agit d'un message tout. La tuna qui paye Gilles Pumba. La Toisha, maman. Na botama motema ya mawa papi melanga isolo moteme bende Ageto. Yango frema ba profita ka koloba mabenanga na bato Koko Safi, Tantine Charlotte, ma maman va Simba Benele, hein. Bisengo nanga yo bongoli mawa. Kaina boma bele suka suka telenga nana mo pepe. Koko Safi elokote. Jova kenge la kanga. Chapeau production. Mon cousin a bango na Bruxelles. Sendo Thérèse na Luanda. Kabosa ni yote mama. Mouta sende sa samoula na livulu. Noko na mba. Jacoyo, papa na chérivo, Brazzaville. Oh, Sénéchalé, le général Def Defao, ma kimona. Yom tout ça là qui n'a pas la boule. Mais baye barake, oh, ma boutia moto ma kasi, pour la sété. Ou pète à ma maman, tout petit ma moto la katia planche. Oh, Zali Apocalypse. Oh, soyez mon esprit à bien. Annie Belen de la fille à papa, toujours combattu et non abattu. Naebi saka bango bako pakata mbango makolongolo. Akpea. Oyo likamwisi na mokili ya Nzambe. Mwasi pe mobali balobi balingani. Mwasi aselela mobali zuwa. Mobali pe lokola ndenge kaka toyebi. Olanda kaye parsi partout parla. Mon bali pe a komiso pa ya bolingo. Ya mwasi na ye. Si mami kolo liwa ebi moko. Oya tikala kina sima. Kaka ko lela lela. Si ma ya ba poso pe ba sanza. Moninga na simetiere. Oya tikala kia lingi na kartye. Fili suna. Nalidi matondo. Oyo likamwisi na mokili ya Nzambe. Mwasi pe mobali balobi balingani. Mwasi asalela mobali zuwa. Mobali pe lokola ndenge kaka toyebi. Sima mikolo liwa ebi moko. Oya tikala kina sima. Kaka ko lela lela. Sima ya ba poso pe ba sanza. Moninga na simetiere. Oya tikala ke lingi na kartye. Yeah. Le prince nono matala tala. Muse maestro papa na jidite. Ya nini na beta tolo na bolingo. Mbolingo ya solo ezalise na Nzambe mokonzi. Atindi mwana na ye. Aye ko kufela biso. Yango tozwi lobi kolelo. Kanisina natina jeni. Mboli bale kosilaka. Yangana bale kosilate. Pole mukendi. Banyama babosa ni pole matiti. Bameki kolembo la montoki ankoi. Kasi babi masebe eh. Ya nini na beta. Tolo na bolingo. Mbolingo ya solo. Ezalise na Nzambe mokonzi. Atingi mwana na ye. Aye ko kufela biso. Yango tozwi lobi kolelo. Makanisi na bana na ngai. Mboli bale kosilaka. Yanga na bane kosilate. Congo la Kong, le PDG Achille. Veki Kunda Muma. Oye mika mokolo na kenaki na Moussa. Franck Efola. Saminganga. Atana kufi mozemba, pona zangi mosolo. Bamba na balongi nga bake ina ye. Bamo sepeli basali feti bafingi nga yuma. Yuma yuma papa. Atana kufi mozemba, pona zangi mosolo. Bamba na balongi nga bake ina ye. Bafinginga yuma, yuma yuma papa. Dignité ya fia moto Anthony Sampaio. Bolingo, atana kufi mozemba, pona zangi mosolo. Bamba na balongi nga bake ina ye. Bamo sepeli basali feti bafinginga yuma, yuma yuma papa. Tira tara marero, shibida bibi, shanata nata yeni kunzelele.